du métamorphe. Dans les mystiques chansons, il y a plus d'air que de raison, car la raison qui s'achève est une chanson qui se lève. Le ciel avait beau bleuir, comme des cendres figées dans les airs, glaciers des beaux empires qui font du rêve la matière. Voyant l'exemple de lui-même, parmi l'exemple de l'emblème, la joie, le sourire sur les joues, dans ses semblables au sens offrant, il s'était dit qu'un jour revenant, il aurait fait d'une simple histoire revenir le sang de ses mémoires. Mais parfois voilà que triste mine assombrisse le feu de flamme. Alors d'un rêve il réécrit la mystique de l'âme. Ils sont chercheurs pour un présent qui demanderait aux obligeants un désir dans le futur. Telle est métamorphe la blessure. Dans les mystiques chansons, il y a plus d'air que de raison, car la raison qui s'achève est une chanson qui se lève. Le ciel avait beau bleuir, comme une cendre figée dans les airs, glacier des bons empires qui font du rêve la matière. Amen.